Même les économistes les plus conservateurs pourraient admettre que le plus grand travers du système est le fait qu'effectivement il y a des déserts monétaires, donc une extrême pauvreté, et à l'inverse des empires monétaires. Et c'est finalement la structure de la monnaie qui fabrique ces disparités énormes et insoutenables et qui, pour le coup, font disparaître non seulement des systèmes, mais des vraies personnes, quoi. Enfin. Et donc c'est ça le pire de la monnaie, c'est ce système d'amplification des disparités, quoi. Enfin, je pense que ce code qu'on connaît actuellement répond à des règles du jeu qui sont liées à nos... la manière dont nous connaissons le monde, en fait, à notre cognition. Et je m'intéresse beaucoup, enfin, je travaille avec un chercheur qui s'appelle Jean-Louis Dessalles, qui est chercheur à Paris, Télécom ParisTech, qui est chercheur en sciences cognitives, et qui est l'auteur d'une théorie qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle la théorie de la simplicité, et qui est l'envers de la théorie de la complexité. Son idée est de dire. Comment dirais-je? Justement, il observe en fait de manière microscopique nos processus cognitifs, voilà. Qui plus loin fabriquent entre autres la monnaie et ce système d'amplification. Son idée est de dire que en fait nous sommes en fait depuis l'aube des temps, depuis les premiers hominidés, depuis que nous avons pris la forme humaine. Des spécialistes de la reconnaissance des faits anormalement simples. De la simplicité, en fait. C'est-à-dire que. Alors, ça vient de quoi? Ça vient d'où? Ça vient de l'idée de dire. Disons, son hypothèse anthropologique est la suivante. Il dit. En fait, le langage est né chez les hominidés. Il y a peut-être 2 millions d'années, quelque chose comme ça, au moment de l'invention des premières armes. Les armes de jet, donc les javelots, l'idée d'affûter quelque chose et de rendre efficace et de tuer beaucoup plus facilement, etc. Pourquoi? Parce que les premières armes ont permis de tuer à coup zéro. Donc on peut imaginer les grands singes. Qui nous ont précédés pour se bagarrer pour une femelle ou pour une carcasse ou que sais-je. Pour se bagarrer, il fallait y aller avec du muscle. Donc ils pouvaient pas s'entretuer à coup zéro. Chacun risquait d'être tué. C'est très très coûteux de tuer. Hein? Alors que dès lors qu'on invente l'arme, on peut venir tuer son adversaire pendant son sommeil, on fait schlatch, et puis c'est fini. On peut tuer à coup zéro. On peut imaginer que les premiers hominidés qui ont eu ça entre les mains s'en sont donnés à cœur joie. Et que cette pratique a créé une sorte d'hécatombe qui a dû exercer un stress sur l'espèce absolument colossale. C'est d'un seul coup l'espèce qui a été menacée de disparition, au moins dans l'imaginaire. Disons que ça a créé un stress au niveau de l'espèce et puis une peur, panique au niveau de chacun des individus, la peur d'être tué par ces armes et puis par ceux qui ont les armes, et ceux qui ont la connaissance pour faire les armes, etc. Bon, et tout ça étant lié au feu aussi, bien entendu, c'est lié au feu. Et selon Jean-Louis Dessalles, cette invention des armes a produit l'irruption du langage. Comment? En sélectionnant les individus qui avaient cette capacité de désigner dans leur environnement les choses anormalement simples. Par exemple, on imagine qu'on est dans la brousse, dans le chaos de feuillage, etc., avec le vent, les cris des animaux, etc. Et puis, si on voit un phénomène qui se répète, ou une forme qui déroge à ce qui se passe d'habitude dans la végétation, on le désigne, parce que cette chose peut être un danger ou une opportunité. On le désigne avec le doigt, avec la main. Et on le vocalise pour prévenir la communauté, prévenir les congénères. Et donc émerge comme ça cette qualité de guetteur, cette capacité à désigner la simplicité dans le chaos et à le transmettre à sa communauté. Et derrière aussi tout un processus social qui fait que, en fait, les individus capables de repérer les éléments anormalement simples et les communiquer verbalement sont sélectionnés comme des bons partenaires sociaux, puisque c'est cela qu'il est avantageux de faire rentrer dans la communauté pour la protéger. Inversement, chacun a tendance à développer cette capacité pour être soi-même reconnu dans la communauté. Et alors, ce qui est très fort dans la théorie de la simplicité, c'est que tout ça est mathématisable. Et même parfaitement mathématisé. C'est-à-dire qu'on est capable de définir la probabilité, enfin, de quantifier tout ça, un événement, de quantifier sa simplicité, qui est l'inverse de la complexité. Et on est capable de quantifier les comportements, disons, des collectivités d'individus qui fonctionneraient suivant ce principe. Et là, ce qui est fou, c'est que on arrive à, en fait, illustrer l'émergence de ces disparités dont je parlais tout à l'heure, ces disparités naturelles, entre guillemets, qui sont amplifiées par la monnaie, par le code tel qu'il est aujourd'hui, à un point insoutenable. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde le réseau social des individus, tu prends une population quelconque, tu tries les individus suivant la taille de leur réseau social, le nombre de leurs amis, entre guillemets, et tu regardes le nombre de messages émis par chacun envers son réseau social. Et donc, on fait une sorte de diagramme, on abscisse la taille du réseau social, en ordonnée le nombre de messages émis, et on va obtenir une courbe qui va commencer à zéro. Les gens qui ont un réseau social nul n'émettent pas. Le nouveau-né, il a pas papa-maman, voilà. Il va émettre un borborygme, mais rien du tout. Même chose, celui qui est malade, bord de. Enfin, bref, quand on a un réseau social très faible, on émet peu, donc une courbe qui décolle très doucement, et puis qui se met à monter plus ou moins 45 degrés comme ça, enfin, et de manière linéaire, c'est-à-dire que plus on a un réseau social important, et plus on va émettre de messages. Et alors, ce qui est fou, c'est que la théorie de la simplicité permet de prédire que la courbe brutalement se stabilise. C'est-à-dire qu'il y a une inflexion, une sorte de brisure de symétrie. Au bout d'un moment, la courbe va devenir plate, va plus monter, va devenir plate. C'est-à-dire que les gens qui ont un gros réseau social, en fait, émettent relativement moins que ceux qui ont un réseau social plus faible. C'est-à-dire que dans cette courbe, il y a trois parties. Une partie très au ras des pâquerettes au début, qui comprennent toutes sortes de gens, qui sont plus ou moins un peu les débutants ou les rejets de la société, enfin, qui ne sont pas encore socialisés ou alors qui sont exclus, ostracisés, ou, enfin, il y en a toutes sortes, ou qui ne veulent pas, voilà, toutes sortes de raisons. Il y a une partie linéaire ascendante qui est la partie compétitive. Donc là, nous sommes tous en compétition les uns et les autres pour communiquer de l'information aux autres, de façon à être reconnus et étendre notre réseau social. D'accord? Et donc tout ça, et tout ça va aussi avec la reconnaissance de la monnaie, tu vois, entre autres, hein, le niveau de vie, que sais-je. Et puis, il y a cette zone ensuite plate, là, qui est une zone non compétitive, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont arrivés, repus, qui ont beaucoup de relations, tu vois, qui eux peuvent être tranquilles dans leur coin, n'ont plus besoin de communiquer des masses, parce que de toute façon, ils sont arrivés là où ils sont. Et ils n'ont plus besoin de se démarquer les uns des autres, parce que de toute façon, tout va bien. Que ce soit parce qu'ils ont reçu tout ça en héritage, ou parce qu'ils sont arrivés là à la force du poignet, ou par enfin, une raison ou une autre, peu importe, il y a toutes sortes de gens là, mais ils sont dans cette partie-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, tout ça vient quoi? De quoi? De l'arme qui, derrière, a donné bah, la technologie, bah, la monnaie, les codes, tout ça. Ça vient de voilà. Ce comportement social vient de l'émergence du langage qui est lié intrinsèquement à l'éruption de l'arme. Et donc la monnaie est liée à ça, en fait. C'est un grand système. Et cette disparité sociale, elle est voilà, intrinsèquement liée au code, à la technologie, au réseau, à la structure du réseau à travers lesquels on s'actualise, on communique, etc.